Un chien comme ça, gros, je fais tirer mes nailles. Un chien comme ça, gros, je fais tirer mes nailles. Chez moi, c'est la rue. Et y'a des bitches dans la foule. Que des marques qui font des bracos sous cagoule. En brouille, ça saute à 12. T'étonnes pas si ça rafale. J'ai chargé les rimes, j'ai un AK dans la bouche. Gauche, droite, t'es couché. Dors pas, faut te bouger. Canon sur le front, gros, tu vas finir par loucher. Ils ont beau parler de moi, je m'en fous tant que je les aime pas. Y'a des poteaux à moi qui font les sympas. Ils ont beau parler de moi, je m'en fous tant que je les aime pas. Y'a des poteaux à moi qui font les sympas. Faut que je m'en remette. Dis-moi pourquoi tu te m'en remets. On m'a dit Jules, c'est ça la vie. Je fume trop, ouais, j'en ai ras le père. C'est qui le maître? Mais qui se mêle le rap? Mais qui le mène? Qui crève comme Tony qui le mêle? Tranquille mec, 23 piges que je suis le même. Déterminé, je vais traîner le rap sur des kilomètres. Ennemi, t'es mon ennemi, on sera jamais ami. Sache-le pour la vie. Sache-le pour la vie. Ils ont beau parler de moi, je m'en fous tant que je les aime pas. Y'a des poteaux à moi qui font les sympas. Ils ont beau parler de moi, je m'en fous tant que je les aime pas. Y'a des poteaux à moi qui font les sympas. Y'a des poteaux à moi qui font les sympas. Les gars, les gars, waouh.